La Louve de Paul Féval. Tome 1. Première partie. La Saint-Jean. Chapitre 1. L'apparition. Le soleil égayait déjà les bouquets de verdure étagés au versant de la colline. Vieux charme au tronc difforme et noueux, grands bouleaux élancés hardiment et portant avec fierté leur tremblante couronne de feuillage, chênes robustes, châtaigniers arrondissant en voûte leurs branches touffues. Çà et là, au-dessus du couvert épais et solide comme un dôme, montaient des colonnettes de fumée qui se tordaient en spirales légères, bleuie par les rayons du levant. Ce n'était pas la vapeur opaque et lourde que respirent à présent les cheminées de nos usines. C'était le souffle timide de l'industrie en bas âge. Chaque colonnette de fumée marquait la place d'une loge couverte en chaume, humble fabrique de ces sabots roses recourbés à la chinoise, ventrus comme des vaisseaux de haut bord qui sont la gloire de la forêt de Rennes. Le comte de Rohan Paulduc, notre monsieur comme on l'appelait dans les loges, disait que son manoir avait été bâti au IXe siècle de l'ère chrétienne par saint Guéhenoc, dit aussi saint Vinoc et saint Guy, cadet de la maison ducale de Bretagne, comte de Porouette, vicomte de Rennes et premier auteur du nom de Rohan. Si le bon gentilhomme se trompait, ce n'était pas de beaucoup, car le manoir semblait vieux comme le monde, avec ses tourelles étroites entassées confusément, son petit donjon tapissé de giroflées et ses poivrières aux toits pointus comme des bonnets de magicien. Les ardoises de la toiture, blanches de lichen, laissaient croître partout la joubarde et la mousse qui pendaient, longues comme une chevelure. Les murs, faits de blocs de granit, étaient vigoureux encore, mais sous le noir manteau de lierre qui les enveloppait, on découvrait les rides du vieillard et les blessures du soldat, les crevasses, injures du temps, les brèches, cicatrices glorieuses de la sape et de la mine. Un fossé large et qui avait dû être profond, au temps où le manoir gardait des prétentions au titre de forteresse, faisait le tour des bâtiments. Il conservait juste assez d'eau pour servir aux ébats d'une troupe nombreuse d'oies et de canards. On avait cependant comblé la portion des douves qui faisait face à l'avenue, de sorte que les maîtres, les serviteurs et les troupeaux pouvaient entrer de plein pied dans le pâti situé en avant du Saut de Loup. Le Saut de Loup lui-même se traversait à l'aide d'un petit pont rustique, aboutissant à une large brèche pratiquée dans le rempart. Cette brèche avait son histoire. En 1670, alors que le roi Louis XIV et le comte de Rohan Paulduc étaient jeunes tous les deux, le gentilhomme breton avait eu la fantaisie de faire la guerre au plus puissant monarque de l'Europe. Rohan avait en lui du levain protestant, comme presque tous ceux de sa race. Le sang ducal coulait dans ses veines, et son chartrier contenait plus de vieux parchemins qu'il n'en fallait pour établir ses droits au trône de Bretagne. Louis XIV, qui avait des Rohan tant et plus à sa cour de Paris, Rohan Soubise, Rohan Guémené, Rohan Rochefort, et même ses Rohan Chabot, dont l'épopée comique prêta si bien à rire aux gazetiers du XVIIe siècle, Louis XIV ne se douta peut-être jamais qu'au fin fond de la forêt de Rennes, il y avait un prince mal peigné qui prétendait lui disputer une portion de son royaume. C'était le temps où Madame la marquise de Sévigné, la charmante bretonne, raillait avec tant d'esprit et si peu de patriotisme les pauvres sauvages bretons. On aurait entendu de fiers éclats de rire à Versailles si quelque prophète s'était avisé de prédire que le premier coup de tonnerre lointain annonçant la révolution à venir gronderait dans ce ciel brumeux et que le premier couplet de la chanson patriote serait chanté par ces gentilshommes à crinières incultes et à mains calleuses, bons à la charrue comme à l'épée, pour qui la marquise, tout aimable, gardait ses plus dédaigneux sourires. Elle était loin encore, la Révolution française. Honoré d'Albert, duc de Chaulnes, frère cadet du connétable de Luynes, gouverneur de la province de Bretagne et l'homme le plus gros de son siècle, envoya deux compagnies contre les paysans de Paul-Duc qui s'étaient retranchés dans les Landes d'Auray. Il y eut bataille et Rohan fut vaincu. Le duc de Chaulnes, mettant à profit cette occasion, confisqua l'immense domaine de Paul-Duc dans l'évêché de Tréguier et assigna pour retraite au petit-neveu de la reine Anne cet antique manoir de Rohan dont la muraille subit brèche de par le roi. Il y avait longtemps que ces choses étaient passées. On était en 1705. Le grand roi avait 68 ans. Le duc de Chaulnes était mort, son successeur aussi. Et son Altesse Sérénissime, le comte de Toulouse, second fils légitimé de Louis XIV, avait maintenant le gouvernement de la province de Bretagne. Rohan, Paul-Duc, refroidi par l'âge, se tenait à l'écart dans sa maison amoindrie et vivait près de sa fille, une ange de beauté dont la vue lui inspirait sans doute des pensées de résignation et de paix. À droite du pont rustique, le rempart tournait vers l'occident et enveloppait des logis abandonnés que flanquait un balcon en forme de tourelle. Histoire guerrière pour la brèche, légende poétique pour le balcon. Cette partie du château avait un aspect de mélancolie solitaire. Depuis que César de Rohan, fils unique du vieux comte, était mort, personne n'avait franchi le seuil de sa demeure. Et pourtant, derrière les draperies que le vent soulevait par les trous des châssis, on voyait bien souvent une lueur briller toute la nuit, une lueur pâle qui ne s'éteignait qu'au jour. Il y avait une mystérieuse histoire de mariage, célébrée dans la chapelle abandonnée à l'insu du vieux Rohan. Cela se racontait aux veillées, mais de témoins ayant assisté à ces noces secrètes, nul n'en aurait pu citer un seul. Donc, le 23 juin 1705, tout dormait encore au manoir. Une vapeur épaisse s'élevait au-dessus des douves changées en marécages. Les remparts et les corps de logis restaient noyés dans cette ombre, tandis que les plus hautes girouettes trempaient déjà leurs découpures dans la blonde lumière qui venait de l'Orient. Ce bizarre faisceau de donjons aigus, de pignons tailladés, de tourelles gothiques, semblait sortir de la nuit comme Saint Guéhenneuc jadis l'avait fait sortir de terre. D'habitude, à cette heure matinale, quand Rohan Paul-Duc ne découplait pas ses chiens courants, tout était solitude et silence autour de sa maison. Mais aujourd'hui, la route domaniale et les bas chemins étaient encombrés comme si c'eût été faite au bourg de Bouexy en forêt. On entendait rire et causer sous les taillis. Il y avait des gens à pied, le bâton de houe à la main et portant sur leurs épaules de bonnes sacoches pleines. D'autres venaient à cheval sur de petits bidets à tout crin qui couraient l'amble, la tête basse, piétinant dans la poudre et laissant pendre les sabots de leurs cavaliers jusqu'au ras de terre. D'autres enfin piquaient les bœufs paresseux de leurs charrettes chargées de gerbes ou de foin. Tout cela cheminait dans des sentes profondes entre les haies d'épines noires et de prunelliers où le genêt glissait, çà et là, ses gousses d'or. C'était la veille de la Saint-Jean et les tenanciers du pays de Rennes ont gardé la coutume de payer leurs redevances à cette époque pour le printemps, à la Saint-Michel pour l'automne. Piétons, cavaliers et richards en charrette se rencontrèrent en avant des douves et pénétrèrent de compagnie sur la pelouse ouverte qui aboutissait à la brèche. Personne ne s'avisa de soulever le marteau à tête de bélier suspendu au battant droit du portail. On attendit. Les fillettes qui apportaient des bouquets d'aubépines s'assirent sans façon sur l'herbe mouillée autour de leurs fleurs dressées en faisceaux. Les charrettes, dételées, furent rangées par ordre, tandis que les bœufs maigres et de chétives venus paissaient le gazon de la pelouse déjà maintes fois tondue par les troupeaux de Rohan. Gaz et métayers allumèrent leurs pipes et se chaumèrent en cercle, comme on dit là-bas, debout, grand chapeau sur la tête, le bâton attaché à la boutonnière, grave, taciturne et ne laissant échapper aucune marque d'impatience. Pendant que les ménagères tricotaient la grosse laine, les jeunes filles babillaient, regardant du coin de l'œil la partie occidentale des remparts autour desquels la brume semblait se condenser pour livrer une suprême bataille aux rayons vainqueurs du soleil. Elle se montrait au doigt un lourd balcon de granit dont le profil saillait au-dessus des murailles. Et tout bas, elle se disait, en frissonnant, « C'est là !» Un son de trompe retentit au lointain dans la forêt. Les hommes prêtèrent l'oreille. « Monsieur l'intendant Feydeau s'est levé de bon matin, aujourd'hui, » dit Joachim, un métayer à la barbe grise, qui ajouta en secouant la tête d'un air triste. « J'ai vu le temps où le domaine de Rohan était si long et si large que d'ici où nous sommes, on ne pouvait jamais ouïr que la fanfare de Rohan. » Un second son de cor, plus rapproché, éclata vers le midi. Le rouge monta au visage de Joachim, et il n'y eut pas un gars autour de lui qui ne ferma les poings en fronçant le sourcil. « Rohan dort, » prononça lentement le bonhomme. « Mais les gens de France en feront tant et tant que Rohan s'éveillera. » Les fillettes ne s'occupaient que du balcon mystérieux. « c'est là, » répétait-elle, « une femme blanche et un cavalier tout noir. » Chaque nuit que Dieu donne. Ceux qui passent de l'autre côté de la Douve entendent piaffer un cheval au fond des fossés, dans l'Oseraie. Le cavalier est César de Rohan, le pauvre jeune monsieur décédé, voilà qui est sûr. Et la femme blanche est Jeanne de Combourg, sa fiancée, morte à 20 ans. Et la fenêtre qui s'ouvre, demandaient quelques voix timidement sceptiques. Et le cheval qui piaffe dans l'Oseraie. Ah, Seigneur Jésus! « Sait-on expliquer ces choses de l'autre monde ?» Le premier son de trompe, disait cependant Joachim, est monté des fonds de la sangle. Le second est venu de la fosse aux loups, et j'ai bien reconnu l'embouchure du piqueur de l'intendant Feydeau. Ce n'est donc pas l'intendant Feydeau qui mène la chasse au fond de la sangle. Hein, « Lui ou d'autres ?» dit une voix aigrelette qui sortait du brouillard. « Les gens de France s'amusent où ils veulent et quand ils veulent chez nous. » « Yomi, le cousin Yomi !» crièrent tous à la fois les fermiers de Rohan. « Yomi, le joli sabotier !» On ne voyait point encore le cousin Yomi, caché par la brume et par cet oseraie, où piaffait toutes les nuits le cheval fantôme. Il se montra enfin de l'autre côté de la Douve qu'il côtoya pour entrer dans le pâté. Le cousin Yomi n'était pas de belle taille, mais sa veste de toile feutrée recouvrait de larges épaules. Un bonnet de laine tombait jusque sur ses petits yeux endormis et malins. Il n'avait ni bidet ni charrette, et la sachet plate qu'il portait à la main aurait tenu dans la pochette de son gilet. Yomi, le joli sabotier, traversa la pelouse en se balançant sur ses jambes noueuses et s'avança jusqu'au centre du cercle. Sa pipe était toute bourrée. Il l'alluma préalablement, puis il souhaita le bonjour avec politesse au cousin Joachim, au cousin Josille, au cousin Matelin, au cousin Julot, ainsi qu'à une demi-douzaine d'autres cousins dont les noms ne sont point parvenus jusqu'à nous. Il adressa un signe de tête protecteur aux cousines Genevieille et regarda d'un air sournois la porte fermée du château. En tout autre pays, ce regard eût présagé une question, mais le paysan de la Haute-Bretagne est prudent comme le Normand, son voisin. Il ne sait guère parler franc ni regarder en face. Ceci à l'ordinaire. Dans les grandes occasions, quand une fois son bonnet a passé par-dessus les moulins, il faut lui fendre le crâne jusqu'aux dents pour le forcer à baisser les yeux ou le réduire au silence. « Tu viens comme cela des fonds de la sangle ?» demanda Joachim. « Oui, oui, » répliqua le joli sabotier. « Et il y a une bonne trotte, hein ? En voilà-t-il un brouillard qui choisit sa place ?» De l'autre côté des Douves, on ne voit pas seulement le bout de son nez. Là-haut, le temps est clair comme de l'eau de roche. Tout cela s'est dégelé pour la Saint-Pierre, et ça fait du mal au blé noir. Et aux fèves aussi, appuya Matelin, c'est sûr. Ma pauvre foi, enchérit Julot, et vous croyez que ça fait grainer le chêne-vie? Voilà qui est beau, interrompit gravement le vieux Joachim. Yomi, mon gars, ne nous fais pas languir. On est en chasse là-bas, par chez toi. Vers les fonds de la sangle. Le comte de Toulouse, notre gouverneur, est un beau jeune prince, répliqua Yomi, qui jeta à la ronde un regard cauteleux. Fillettes et métayères s'étaient levées pour écouter mieux, et d'instinct les fermiers de Rohan avaient rétréci leur cercle. C'est bien le moins que les beaux jeunes princes se divertissent, reprit Yomi. Ça l'amuse de chasser le comte de Toulouse. Ce n'est pas sa faute s'il trouve le domaine de Rohan sur le chemin de son gibier. C'est donc le comte de Toulouse qui chasse là-bas. La voix de Yomi prit des inflexions sourdes, et ses yeux se tournèrent vers le balcon de granit où le soleil perçant la brume mettait de rougeâtres reflets. Il y a chasse et chasse, grommela-t-il. Chasse de jour, chasse de nuit, chasse en forêt, chasse à la maison. Priez Dieu que le comte de Toulouse se borne à chasser dans les taillis de Rohan. Depuis quelques minutes, on entendait un murmure vague et sans cesse grandissant à l'intérieur du château. C'était comme le réveil du vieux manoir. Des voix s'appelaient et se répondaient. Le pavé de la cour sonnait au choc des gros sabots pleins de paille. Le chenil aboyait et les chevaux de Rohan hennissaient au fond des écuries. Au moment où toutes les bouches s'ouvraient pour réclamer l'explication des paroles énigmatiques de Yomi, une clé gronda dans la serrure. Puis on entendit la lourde barre de bois glisser hors de l'entaille pratiquée dans le mur. Le battant droit de la porte roula lentement sur ses gonds avec les cinq têtes de loup qui le chargeaient. Une femme de 50 ans à peu près, coiffée d'un bonnet rond, collant, en étoffe de laine noire, d'où s'échappaient les mèches épaisses de ses cheveux déjà grisonnants, parut sur le seuil et sembla compter du regard la foule des vassaux. Il n'y eut pas un paysan qui ne se découvrit, ne fût-ce qu'un petit peu. Métayères et fillettes firent ensemble la révérence, et tout le monde prononça d'une seule voix ce salut solennel. « Bonjour à vous, Dame Michon-Guitan. » Dame Michon-Guitan portait sa quenouille au côté, comme un soldat vaillant qui ne se sépare jamais de son épée. Elle avait une camisole plate, ajustée jusqu'au menton, et sur laquelle se rattachait la piécette carrée d'un tablier de toile bleue. Une jupe d'épluche rayée de rouge et de noir laissait voir ses bas de gros tricots, perdus dans d'immenses sabots roses fourrés de peau de mouton. C'était une belle paysanne dans toute la force du terme. Son air était grave et doux. Elle avait un peu de barbe au menton et un commencement de moustache. Quand elle souriait, ce qui arrivait bien quelquefois malgré son importance, on voyait des deux côtés de sa bouche deux trous ronds qui semblaient pratiqués dans ses dents avec une vrille. Pour connaître la véritable origine de ces trous, il suffisait de regarder la ceinture du tablier de Dame Michon-Guitan où une pipe courte et vénérablement noircie était passée. Cette pipe, contre le fourneau de laquelle venaient battre les grains de cuivre d'un long rosaire suspendu au cou de Dame Michon, produisait, quand elle marchait, une musique toute particulière. « Bonjour à vous, Trétou, » dit-elle en inclinant la tête gravement. « Bonne Saint-Jean pour vous et pour vos maisonnées. Est-ce que mon garçon Jocelyn n'est point avec vous ?»« Nous n'avons mis vu votre gars Jocelyn, Dame Guitan, » répondit Joachim. « Faudrait donc pour ça, dit Yomi d'un air innocent, que votre gars Jocelyn aurait couché dehors, puisqu'il n'y a pas plus d'une minute que le portail est ouvert. Je sais bien, ajouta-t-il à part lui, et jetant un coup d'œil rapide vers le rempart occidental, je sais bien qu'il y a la petite porte qui donne sur l'oseret, au bas bout de la douve. Le cousin Yomi avait de bons yeux, et pourtant il ne vit rien que la brume étendue comme une nappe opaque, sur toute cette partie du paysage. Cependant, le niveau du brouillard s'abaissait peu à peu, et l'on apercevait confusément les plus grandes tiges des osiers qui se balançaient à la brise. Ces tiges partaient d'un pli de terrain, formant le prolongement des anciens fossés qui tournaient à l'ouest du manoir et allaient se perdre derrière les remparts, en passant précisément sous le fameux balcon. L'oseret était séparé de la pelouse ou pâtie par une haie d'épines mal entretenue. Elle s'étendait sur une largeur de 20 ou 30 pas, bordée par un talus sous lequel on découvrait des vestiges de maçonnerie. Puis le sol s'affaissait en une brusque descente et tombait ainsi jusqu'au fond de la vallée. Un sentier, à peine tracé, courait le long de la douve et suivait cette pente de la colline à travers les touffes de ronces. Dame Michon-Guitan était là pour donner entrée aux tenanciers de Rohan. Mais au lieu de s'effacer et de leur livrer passage, elle restait sur le seuil, toute pensive. Après un silence, elle mit sa main au-devant de ses yeux, et son regard, passant par-dessus les têtes de la foule, interrogea la lisière de la forêt. À ce moment, un bruit se fit du côté de la Dour. C'était comme une porte ouverte avec lenteur et grinçant sur ses gonds rouillés. Les hautes tiges d'osier s'agitèrent. Tout le monde vit et entendit cela. Michon Guitant changea de couleur. Personne ne bougea cependant, sauf le joli sabotier Yomi qui se coula derrière les charrettes jusqu'à la haie d'épines. « Entrez, bonnes gens, entrez !» dit Michon rapidement et d'une voix tremblante. « Rohan me ferait des reproches s'il savait que ses fermiers attendent à la porte de sa maison. » Il était évident qu'elle cherchait à donner le change à la curiosité déjà éveillée, mais elle avait trop tardé. On vit passer dans la brume éclaircie une forme humaine enveloppée d'une mante de couleur sombre et le visage couvert d'un long voile. L'apparition glissa hors de l'oseraie et l'on eût dit que la brise l'emportait au versant de la montagne. En même temps, le galop d'un cheval s'étouffa sur l'herbe épaisse. Cela fut rapide comme la pensée. Les tenanciers de Rohan restaient bouche béante et les fillettes se demandaient si ce n'était point un rêve. Mais elles virent Dame Michon Guitant, toute pâle, baiser à la dérobée la croix de son rosaire. La bonne femme fit signe aux fermiers d'entrer. Il semblait qu'elle n'eût plus de parole. Les fermiers obéirent en silence. Chacun d'eux pensait « Le cousin Yomi nous dira de quoi il retourne. » Qui avait-il ? Une poterne ouverte de l'autre côté du rempart, le passage d'un être humain à travers l'oseraie, le galop d'un cheval invisible, enfin et surtout l'émotion de Dame Guitant. C'était plus qu'il n'en fallait. Ce brouillard, plus impénétrable que la nuit même, cachait un mystère. Pour savoir le mot de l'énigme, il n'y avait que le cousin Yomi, blotti contre la haie. Ménagères et fillettes, garçons et métayers, calculaient que l'apparition avait dû passer à 10 pas de lui au plus. Quand tout le monde eut franchi le seuil de la maîtresse porte dont le battant se referma sur Michon Guitant, le cousin Yomi se frotta les mains et se prit à rire tout doucement. « oui bien, » murmurait-il en se grattant la tête sous son bonnet de laine. « Maître Alain me donnera quelque chose pour cela. » Il était tout gaillard, le joli sabotier, et il eut bien juré ses grands dieux qu'il n'y avait là personne pour le voir ou l'entendre. Aussi poussa-t-il un cri de frayeur en se sentant retenu par derrière au moment où il quittait son poste d'observation pour gagner la brèche à son tour. Il se retourna vivement. Un jeune homme de haute taille, à la figure pâle et intelligente, couronnée de longs cheveux noirs, s'était dressé en face de lui, de l'autre côté de la haie. « Ah !» fit Yomi, qui essaya de sourire. « C'est vous, maître Jocelyn ?» Le jeune homme portait une veste taillée à la mode des paysans de la forêt de Rennes, mais en bon drap noir, et ses bras étaient de velours. Il enjamba la haie et appuya ses deux mains sur les épaules de Yomi. La bonne dame Michon demandait tout à l'heure après vous, Josse, reprit Yomi qui cherchait une contenance. Maître Jocelyn le regardait entre les deux yeux. Écoute-moi bien, je veux te parler. Il y avait, non point dans ses mots, mais dans l'accent du jeune homme, une menace si évidente que Yomi, robuste et habitué aux luttes campagnardes, se tint pour averti. J'écoute, répliqua-t-il en ramassant ses muscles et en pliant déjà les jarrets. « Je veux te dire, reprit maître Jocelyn, que tu as perdu ta peine en venant espionner de ce côté-ci. Tu n'as rien vu. »« Dieu merci, grommela le joli sabotier. Je ne suis pourtant pas aveugle. »« Tu n'as rien vu, répéta le jeune homme, dont les sourcils se froncèrent. « Moi, je dis que j'ai vu, s'écria Yomi. Mon jeune maître Jocelyn, vous n'avez pas encore la poigne assez forte pour me faire peur. J'ai vu et reconnu la demoiselle. » Un éclair s'alluma dans les yeux de Jocelyn, dont la joue resta pâle. Sa main gauche quitta l'épaule de Yomi pour lui saisir violemment la peau de la gorge. En même temps, sa main droite se plongea sous le revers de sa veste, d'où il tira un couteau de chasse à la lame brillante et fraîchement aiguisée. Le cousin Yomi se laissa choir sur ses genoux. « Tu n'as rien vu, » répéta pour la troisième fois Jocelyn. « C'est pourtant Dieu vrai. » répéta cette fois le joli sabotier, plus mort que vif. « Je n'ai rien vu du tout, mais du tout. » Jocelyn le repoussa du pied et prit lentement le chemin de la maîtresse porte.